Nicolas Sarkozy a visiblement le mai 68 dans le collimateur depuis quelque temps. C'est aussi de lui rappeler que s'il fallait faire un nouveau mai 68 face à Sarkozy, on n'hésiterait pas à le faire. En tous les cas, à tout faire pour le préparer, parce que ça ne dépend pas, évidemment, ça se proclame pas. Maintenant, la brutalité de la politique qu'ils vont amener dépendra aussi, évidemment, du score qu'il y aura. Mais là, ça ne dépend pas du coup. Je pense qu'il y aura une sorte de mobilisation nécessaire face à lui. Alors, j'ai pris ça, les élections approchent. À l'heure où t'écoutes ça, l'ambiance est déjà sûrement moche. Dans les hautes sphères, on entend déjà les rires. Je voudrais pas pour le meilleur, mais moi je voudrais pour le moins pire. C'est hoche ma gueule, Sarko veut te voir partir. Pas tous les moyens nécessaires, sans prendre de gants, les taux se resserrent. Tu vas grave manger frère, avec un charter dans ton assiette en guise de dessert. Pendant ce temps, y'a la guerre dans le désert, mais ça tu t'en branles. Aujourd'hui, y'a plus rien qui t'ébranle. Pourtant, 50% de pauvreté de plus en 20 ans. 10 fois plus de restos du cœur au cœur de la souffrance. La droite veut retirer nos acquis sociaux. Quand c'est pas ça, ils t'envoient les chiens d'État tirer dans le dos. Quand la police assassine impunément l'ado. De nos jours, c'est donc ça être un héros. Perdre un être cher, je sais combien cela peut coûter cher. Surtout lorsqu'une mère perd la chair de sa chair. Faudra bien s'y faire, car Nimbo est passé au carcher. Derrière, les médias en rajoutent une bonne dose. Si tu savais, on nous cache la moitié des choses. À l'idée d'être élu, ils mouillent tous comme une info. Mais t'inquiète, on fera circuler l'info. Mort sur chronique est là, et on démêle le vrai du faux. Le peuple répond, le peuple répond. Le peuple répond, le peuple répond. Le peuple répond, le peuple répond. Leur mensonge dans la colère. Le peuple répond, le peuple répond. Le peuple répond, le peuple répond. Le peuple répond, le peuple répond. Leur mensonge dans la colère. Combien sont-ils à rêver de cette terre, notre pays? Cette lueur qui illumine dans leurs yeux si humides. Les rends aveugles et gris face à leur triste vie. Mais là c'est pas le paradis, et encore moins l'Eldorado. Et là c'est Isidore des sans-abri mais qui ont un boulot. La misère comme une gangrène, c'est vu par ceux qui gouvernent. Travailler pour gagner plus, encore plus pour gagner plus. Ils tiennent les rênes, ok, mais pour qui ils nous prennent? On se fait ken, catégorie sociale confondue. On se fait ken, pourtant le français à la langue bien pendue. On entend toujours les mêmes défilés dans nos rues. Mais le gouvernement lui reste assis sur son anu. L'air de rien, il sourit quand tu lui serres pas la main. Alors soyons ses sermons quand il passe sur TF1. Et serrons-nous les coups jusqu'à ce que son règne prenne fin. Sarkozy est au pouvoir et nous le pouvoir de le dire. Que nous réserve l'avenir, rien de bon, je crains le pire. Quand je vois ce monde où l'on vit en train de s'autodétruire, je me dois te le dire au micro, viens agir. Sans mentir, sans te mentir, j'ai trop de choses à dire. Le système veut devoir fléchir sous son règne capitaliste. Prends toute ta thune pour s'enrichir, hélas faut réfléchir. Consommer pour exister, question qu'on doit se poser. Et moi son chronique sur le but de la exposer. Le répond, le peuple répond. Dans la colère. Le peuple répond, le peuple répond. Le peuple répond, le peuple répond. Le peuple répond, le peuple répond. Leur mensonge dans la colère. On fera pas ces messages, quitte à mourir avant l'âge. Avant d'être entre quatre planches qui nous foutent en cage. Combien sont morts pour défendre leurs opinions? Combien se font tuer pour la liberté d'expression? Pour l'avoir ouvert, combien finissent en prison? Demande à Colucci s'il n'a pas subi de pression. J'en ai bien l'impression, ils appellent ça problème d'intégration. Sous prétexte qu'on habite la France, on n'a pas le droit de se plaindre. Même nos stockants, on n'aurait pas le droit de les peindre. Mais n'oublie pas ça, si aujourd'hui t'as les droits, c'est qu'il y a des mecs avant toi qui ont su mener le combat. Et si tu ne crois pas, subis ta vie et ferme-la. Le peuple répond, le peuple répond. Dans la colère. Le peuple répond, le peuple répond. Le peuple répond, le peuple répond. Le peuple répond, le peuple répond. Leur mensonge dans la colère. Le peuple répond, leur mensonge dans la colère.